réussir dans le bureau. Mais sans baisser mon froc, je fournirai assez d'efforts épaulés par assez mes prods. Que dire de plus quand je fais l'effet d'un cataclysme? J'arrive en force, vite préviens les cataclysmes. Je vis une situation précaire, fils. Putain, il me faut des pépettes, vite pour que je mette les miens à l'aise et qu'on déguerpisse. Les soucis me rongent, j'ai pas mal de pensées bizarres. Ça fait un bail qu'on subit ça, le bonheur reste insaisissable. Mais bon, on tient le coup, on s'accroche à nos buts. La dignité nous tient tout, mal dans la rue, attaque nos chars non plus. Mais tout tourne mal, j'entends trop d'histoires. Ici, la chance est provisoire, même la pire des crapules craint la haute histoire. J'entends le compte à rebours, la chasse est ouverte, on file ton barbour. Mes belles costards, vu qu'ils sont partout. Sur notre parcours, trop d'embûches, l'album a pris du retard. Voilà pourquoi dans ta playlist, notre son n'y figure pas. Tant pis, on taffe à notre échelle. Après tout, c'est bien comme ça qu'on se forge face à notre échec. Quoi qu'il arrive, tu nous verras pas œuvrer comme toi. C'est peut-être pour ça que les gens disent que nous sommes peu frais. J'ai envie de réussir dans le plus rare, mais sans baisser mon front, je fournirai assez d'efforts et pour les par assez des prods. Que dire de plus quand je fais l'effet d'un cataclysme? J'arrive en force, vite préviens les cataclysmes. Je compte réussir dans le plus rare, mais sans baisser mon front, je fournirai assez d'efforts et pour les par assez des prods. Que dire de plus quand je fais l'effet d'un cataclysme? J'arrive en force, vite préviens les cataclysmes. Quand je rappe, ça bouge, t'emmène en balade comme Aznavour. Je n'ai pas besoin de critique, car quand c'est nage, j'avoue. Juste au stage, j'aurais peut-être touché plein de cash et 10 000 dollars. Mais je suis en France, encore me connu qu'Emile Zola. Mais quel misérable, hein. Des fois, je lâche des larmes noires comme le cirage. Tu comprendras pourquoi je suis pas doux. Après une grosse tarte dans ta bouche avec mes pas d'ours. Pour ça que des fois j'ai un comportement flegmatique. Wera, c'est la ligne directrice, c'est ce que Flev m'a dit. Affirmatif, faut pas que j'aggrave mon cas. Radical dans mes choix comme une technique de Krav Maga. Big up Alex Bilel et M'Chacha. J'opéré, Zaza qu'on reconnaît. Des braves malgaches réussir. Pour nous c'est primordial. Certains sniffent et donnent leur âme en guise de primo diable. On est tous des pions, peur de se relever quand t'as échec et mat. J'ai comme trop longtemps je te souhaite pas d'être un chien comme moi. Quand je mate la TV, beaucoup de misère à chaque image. Comme ça que les médias nous matrisent. Pour eux y'a que ça qui marche. Pas fan de Shakira et encore moins de Patrick Fiori. Une chose est sûre, depuis Mino moi je me fiorise. Le mauvais a une heure tard mais je ne fais pas abstraction. J'espère que pour moi la route tournera comme celle des parcs d'attraction. Je tire dans le plus rare, mais sans baisser mon front. Je fournirai assez d'efforts et pour les par assez des prods. Que dire de plus quand je fais l'effet d'un cataclysme? J'arrive en force, vite préviens les cataclysmes. Je compte réussir dans le plus rare, mais sans baisser mon front. Je fournirai assez d'efforts et pour les par assez des prods. Que dire de plus quand je fais l'effet d'un cataclysme? J'arrive en force, vite préviens les cataclysmes. Je compte réussir dans le plus rare, mais sans baisser mon front. Je fournirai assez d'efforts et pour les par assez des prods. Que dire de plus quand je fais l'effet d'un cataclysme? J'arrive en force, vite préviens les cataclysmes. Je compte réussir dans le plus rare, mais sans baisser mon front. Je fournirai